Bienvenue à vous, Suivez le Guide est en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, dans le Vaucluse, pour deux émissions. Nous sommes à une trentaine de kilomètres au nord d'Avignon, à Orange. Orange surnommée la Cité des Princes. La position d'Orange à un carrefour de passage vers le nord, l'Espagne ou l'Italie, au cœur d'une région agricole, en a fait un emplacement de choix pour les Romains, d'où la présence de nombreux vestiges. D'ailleurs, plusieurs monuments d'Orange sont inscrits au répertoire des monuments mondiaux de l'UNESCO. Le théâtre antique et ses abords, et l'arc de triomphe tout à fait unique. C'est juste pour le clin d'œil à la tunique romaine. Nous sommes au cœur d'une région viticole, à 10 km seulement de Châteauneuf-du-Pape. En 1869, sont créées au théâtre antique les chorégies, qui, depuis 1971, sont tournées vers l'opéra et la musique classique. Citons deux personnalités orangeoises de naissance, l'écrivain Jean Echenoz, prix Goncourt 1999 pour Je m'en vais, et le pianiste de jazz Michel Petrucciani. Il existe une merveille sous notre ciel du midi. Il existe une merveille sous notre ciel du midi. Dès que le printemps s'éveille, c'est un coin de paradis. Dès que le printemps s'éveille, c'est un coin du paradis. Premières impressions d'Orange et évocation du théâtre antique avec Rose Papalia, guide conférencier, et Rose aura raison, conférencier et pas conférencière même pour une femme. Puis, brève rencontre après la générale d'Aïda au programme des Chorégies en août 2017 avec le metteur en scène Paul-Émile Fourny, liégeois. Il a dirigé l'Opéra de Nice avant de prendre la direction de l'Opéra Théâtre de Metz Métropole. Enfin, avec Céline Benex-Grandjon, nous évoquerons les vins du domaine de la Palue, en périphérie orangeoise, où il est aisé de passer du rosé au rouge. On est à Orange, Rose, et vous êtes guide à Orange. Oui, guide conférencier. Guide conférencier. Je travaille également. Ah, sier ou sière, sier, vous dites sier. Conférencière, si vous voulez. Non, c'est comme vous voulez. On dit guide conférencier. Mais je travaille aussi à l'Office du tourisme d'Orange, où je suis conseillante séjour avant tout. Ah, vous conseillez pour organiser tout un séjour. Voilà, tout à fait. Donc, j'ai en général, de quelle durée? Les séjours moyens. Sur Orange, on essaie de garder les gens le plus longtemps possible. Ça, bien sûr, mais tous les offices de tourisme essayent de garder le plus longtemps possible. Donc pour nous, s'ils peuvent rester 15 jours, ça serait l'idéal. Surtout qu'il y a beaucoup, beaucoup à faire. Rien que si on se concentre sur la période romaine, on peut visiter ce qu'on appelle la province romaine. Oui. On a la chance d'avoir de très beaux monuments, Arles, les Arènes, bien sûr, Nîmes, la Maison Carrée et les Arènes, Vaison-la-Romaine avec les très belles villas gallo-romaines, mais aussi un joli théâtre, même s'il n'a pas conservé ce mur de Seine comme nous avons nous à Orange. On n'est pas très loin du Glanum, ce site gréco-romain. Même en dépassant la province romaine, on peut monter jusqu'en Ardèche, où il y a encore beaucoup, beaucoup de ces monuments qui marquent la forte présence romaine. Il ne faut pas oublier que nous sommes ici en Narbonnaise. En Narbonnaise. Nous sommes en Narbonnaise. Alors la Narbonnaise, si vous voulez... Comme Narbonne, Narbonnaise. Oui, qui est la capitale de la Narbonnaise. Les Romains étaient installés ici depuis, on va dire, moins 105 avant Jésus-Christ, car il y a eu une grande bataille ici où les Romains ont subi une grosse déculottée par les Cimbres et les Teutons. Et cette fameuse bataille a eu lieu pas très loin entre Orange et Caderousse. Et à partir de là, les Romains ont essayé de s'imposer dans notre région grâce à leur grand chef de guerre qui s'appelait Marius. À Aix-en-Provence, ils vont combattre ces Cimbres et les Teutons. Et à partir de ce moment-là, ils vont s'installer ici. Donc nous, Orange, en finalement, les Marius du Midi, c'est lié aux Romains? S'il y a des Marius peut-être, dans la trilogie, etc. Tout à fait. Peut-être, c'est provençal, effectivement. Mou et Pachin, tu es tout le portrait de ton entrée-ville. Celui-là, il passait jamais au soleil parce que ça le fatiguait de traîner son ombre. Tu es un rêvasseur. Et tu connais pas ton métier. Je le connais. Non, tu ne le connais pas, ton métier. Tu ne le connais pas, ton métier. Là, tu ne sais pas encore doser un vermouth cassis ou un mandarin citron. Quant au piquant, citron, curaçao de la maison, ça n'en parlons pas. Pour Orange, parce que je veux me recentrer quand même sur Orange, je parlais de la province romaine pour dire, voilà, si vous voulez visiter tous ces sites, il faut un peu plus qu'une demi-journée. Ouais. Donc, c'est vrai que on invite les gens à s'installer pour au moins une semaine et visiter tous ces grands monuments qui ne sont pas n'importe quel monument. Ouais. L'Arc de Triomphe que l'on a devant nous. Donc là, on s'est assis à côté de l'Arc de Triomphe. Oui. Mais on va le quitter, Rose, peut-être pour commencer. Enfin, on va le quitter, on va rester assis à l'Arc de Triomphe. Oui. Mais on va évoquer c'est quand même la star numéro 1 Orange, c'est le Théâtre Antique quand même. Le Théâtre Antique, oui, tout à fait. Première vedette d'Orange, c'est le théâtre. Oui, alors lui, il est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO grâce à son grand mur de scène, qui est le seul c'est le seul théâtre à avoir conservé ce grand mur en Occident. Ouais. Il faut aller en Syrie, il faut aller en Orient. Pas sûr qu'il l'ait encore en Syrie, je ne sais pas où il était où en Syrie, où il est. Pour voir encore des théâtres avec ce grand mur en élévation. Ce grand mur en élévation, nous le trouvons effectivement en Syrie, dans l'exceptionnel théâtre romain de Bosra, à la frontière jordanienne, le théâtre antique le mieux conservé du Moyen-Orient, qui a malheureusement subi de nombreux dommages, notamment lors de la bataille de Bosra en mars 2015. Ce mur, donc, donne une acoustique extraordinaire. C'est le secret de l'acoustique d'Orange. À ce théâtre. Et c'est pourquoi, de nos jours encore, on a encore ces grands spectacles, non seulement lyriques, mais on a aussi des variétés. Il ne faut pas penser que le théâtre égale festival lyrique. Il se passe plein de choses. Il y a même le Père Noël qui vient à Noël. Ah. Non, mais en fait, c'est un lieu de vie, ce théâtre. Oui. Mais pour les spectacles lyriques, en tout cas, ça permet aux chanteurs, dans un espace pareil, sans sonorisation, sans amplification. Mais justement, ce mur fait peur aux chanteurs. Parce que là, on voit si le chanteur a du coffre. Il faut quand même porter la voix. Il faut porter la voix, il faut savoir se positionner. Et puis n'oubliez pas que puis c'est du plein air. Donc là, quand il fait beau, il n'y a pas de vent, c'est extraordinaire. Mais quand on a notre ami le Mistral, c'est autre chose. Et là, l'artiste est mis à dure épreuve. Et là, c'est vrai que même les chefs d'orchestre, certains chefs d'orchestre ont refusé de venir à Orange à cause de ce vent terrible. C'est quelque chose, ce mur, ça fait peur. Hein. Pas n'importe quel artiste peut venir chanter au théâtre antique. Donc on mesure vraiment finalement. Alors non, ce serait un peu excessif de dire ça. Mais dire qu'on mesure le talent de l'artiste quand il y a le Mistral. Oui. Alors plus que ça, parce que quand vous avez tout qui s'envole, c'est pas facile. Vous avez les partitions qui s'envolent, faut pas perdre le fil. Je vous dis, le Mistral, c'est pas rien. Ah, oui, alors mince, moi j'ai vécu une générale calme sans Mistral. Ah oui, mais ça c'est l'idéal, surtout quand il fait chaud. Ça c'est la. Ouais, parce qu'il paraît qu'il peut faire très froid avec le Mistral aussi. Oui, vous y venez avec votre manteau, votre doudoune et votre couverture. On a du mal à imaginer. Mois de juillet au mois d'août, effectivement. Oui. Alors le mur d'origine, ce mur de... j'avais recherché l'info, je ne le connais pas de mémoire, mais 103 mètres sur 37 mètres. Tout à fait. Et 37 mètres de haut, c'est incroyable. On a pu conserver ce mur grâce à des habitations parasites qui se sont appuyées contre ce mur. Donc ça, c'était au quel siècle ? Alors, nous sommes au Moyen-Âge. Nous sommes au Moyen-Âge. La ville se resserre dans ses murs. Et puis, on n'a pas beaucoup d'espace pour construire. Et chaque petit espace va servir de point d'appui d'une habitation. Et on va avoir un quartier que l'on va appeler le quartier du cirque. C'est un quartier qui est très pauvre. Généralement, quand il y a une épidémie, ça part de ce quartier-là. À côté, vous avez l'église Saint-Florent, et en fait, vous aviez un couvent, le couvent des franciscains, des frères Cordeliers, et ces frères venaient au secours de cette population qui était à l'intérieur de ce théâtre antique. Ah oui. Et grâce à ces habitations, on a pu conserver ce grand mur. C'est ce qui a permis de conserver le mur. Eh oui. C'est vrai qu'il est dit que Louis XIV a songé à un moment à détruire ce mur, mais que devant la qualité de l'ouvrage, a renoncé à ce projet. Le théâtre a servi pendant la Révolution de prison également. Ça, on le sait moins. Il y avait un tribunal révolutionnaire à Orange. Il y a eu beaucoup de victimes. La guillotine n'était pas très loin du théâtre. Donc, les personnes étaient jugées le matin. Une autre forme de spectacle. Le soir, elles étaient amenées au théâtre et aux prisons du théâtre. Et des prisons du théâtre, elles étaient amenées à la guillotine. Après la Révolution, on prend conscience de ces monuments qui ont des qualités. Il y a un monsieur qui s'appelle Monsieur Prosper Mérimée. Donc le Carmen. Qui va faire le tour. Directeur des monuments historiques. Voilà, tout à fait, qui va faire le tour des monuments de France. Il va s'arrêter à Orange. Il va voir l'Arc. Il va voir le Théâtre Antique. Et bien sûr, grâce à lui, il y a un élan qui va permettre à ces monuments de retrouver une nouvelle vie. Grâce à ça, on va commencer une campagne de restauration, mais d'abord il va falloir détruire les maisons qui sont à l'intérieur. Donc, ces maisons un peu parasites, finalement. Voilà. Il y a plus de 90 maisons, on ne se rend pas compte. Il va falloir acheter les maisons, expulser les gens. Il y a un grand travail de fond pour libérer ce théâtre. Et une fois que l'on a libéré ce théâtre, on va se retrouver avec ce grand mur, un orchestre qui est un peu un terrain défoncé. Et les trois gradins, seulement trois premiers gradins, les autres ont disparu. Les pierres ont été utilisées dans des murailles ou les habitations. Mmh. Et à ce moment-là, on se rend compte que dans ce théâtre, il y a une acoustique extraordinaire. Les notables du moment, il y avait des comices, des fêtes agricoles. Et lors d'un comice agricole, en 1889, on va décider de donner de nouveau un spectacle à l'intérieur de ce théâtre. Mais il n'y a pas de gradins. On va installer des gradins en bois. Il n'y a pas d'électricité à l'époque. Avec des morceaux de bois et de ficelle, on va organiser une scène, on va organiser des gradins et on va inviter une population et on va faire ce qu'on appelle les fêtes romaines. Et depuis 1889, c'est le plus vieux festival de plein air qui existe en France. On a des représentations à l'intérieur de ce théâtre antique. Bien sûr, après, on va réaménager. Les gradins au 19e siècle, fin 19e siècle, vont être reconstruits. On va se servir du modèle de ces trois premiers gradins qui sont de la période romaine. Pour remonter les gradins. On va réaménager l'orchestra, la scène. Bien sûr, on va refaire la scène. Au passage, on va faire des fouilles, on va trouver des restes de marbre du mur romain, on va retrouver des restes de la fameuse statue d'Auguste sans la tête. Qui domine le théâtre. Qui salue le public. Et puis, bien sûr, on va redonner vie avec ces spectacles d'été. Le spectacle, dans les années 50-60, Avignon commence à faire un peu d'ombre au spectacle. Parce que c'était plutôt théâtral, effectivement. Oui. On va commencer à faire de l'ombre à ces spectacles au théâtre antique. Et puis, on va redonner un nouveau souffle à ce festival. Avignon, ça va être le théâtre. Orange, ça va être le lyrique. Commence l'ère de ce qu'on appelle les nouvelles chorégies. On fait appel à des artistes internationaux. Et voilà, là, nous sommes sur cette continuité. Suivez le guide et dans le Vaucluse à Orange avec Rose Papalia, nous découvrons l'histoire du théâtre antique qui accueille chaque été les représentations des chorégies. Si on revient au tout début, donc c'est ce fameux Auguste qui l'a fait construire le théâtre antique, ou on l'a construit pour lui ou... Alors, le théâtre a été construit probablement au début de l'Empire. Probablement, Auguste Ier. probablement sous Auguste. Mmh. Je dis bien probablement. On n'a pas retrouvé une date, la lettre de l'architecte, oui. etc. Donc, cette fameuse statue que l'on appelle la statue d'Auguste, en fait, ce n'est pas la statue originelle. C'est une statue que l'on a appelée Auguste, mais probablement, ça pouvait être, à l'intérieur de cette niche, ça pouvait être, dans un premier temps, soit la statue d'un dieu, ça aurait pu être Apollon, probablement, effectivement, la statue d'un empereur. Est-ce que c'était celle d'Auguste, celle de Tibère ou d'autres empereurs ? On ne le saura pas. Mmh. La petite histoire de cette statue, c'est qu'elle a été retrouvée en 1000 petits morceaux. Elle a été reconstituée. Un puzzle. Sans la tête. On lui a mis une tête qui semble lui convenir, mais ce n'est pas la tête D'accord. d'origine. Mmh. Donc on l'appelle d'Auguste, mais ce n'est peut-être pas Auguste. Voilà. Bon, bah aujourd'hui, ça convient à tout le monde. C'est un mythe qui tombe. Ah, ouais. Mais nous, voilà, on l'appelle Vous Auguste. Vous avez adopté Auguste. Statue, voilà, et construit Auguste. Alors par des vétérans. Ça, on le sait que c'était par des vétérans des légions. Alors, ce qu'il faut s'imaginer, bien sûr, c'est qu'il y avait une population autochtone. Mais la colonie a été créée, effectivement, par des vétérans qui ont combattu avec César. Hein. Ce sont des légionnaires qui ont battu sous César, à qui on a donné des terres. Et ils ont développé cette colonie autour du site de la colline Sainte-Eutrope, en fait, là où le théâtre est posé. Lorsqu'on crée une colonie, on va aménager cette colonie à l'image de Rome. Ça va être surtout cette colonie d'Orange, qui est une colonie de droit romain, ce qui veut dire que les citoyens d'Arrosion, puisqu'elle s'appelait la cité d'Arrosion, ont exactement les mêmes droits civiques que les citoyens romains. Cette colonie de droit romain, on va la parer des mêmes monuments que l'on va retrouver à Rome. Mmh. Un théâtre, des arènes qui se trouvaient au niveau de ce qui est maintenant l'Intermarché et le McDonald's. On va aménager un grand forum à l'intersection du Cardo et du Decumanus. Sur ce forum, c'est là où c'est le cœur palpitant de la ville. On va commercer, on va faire de la politique. Probablement, il devait y avoir... Une basilique, non pas dans le sens religieux du terme, mais c'est là où les notables se réunissaient pour parler de la vie de la cité, pour les différents projets, etc. Et on va avoir un espace sacré, un espace religieux. Et effectivement, à droite du mur du théâtre antique, vous avez cet hémicycle où il y avait un temple. Mmh. Et ça va au-delà d'un simple temple. Il faut s'imaginer qu'il y avait carrément une mise en scène de cet espace sacré. Il y avait un temple au niveau intermédiaire de cet hémicycle et probablement au sommet, on suppose qu'il y avait un Capitole avec la triade capitoline, hein, Junon, Jupiter et Minerve. Et ce grand ensemble sacré était probablement ici à Orange dédié à l'empereur Auguste. On appelle ça d'ailleurs un Augustéum. Et les personnes, les voyageurs, les soldats, lorsqu'ils viennent du nord, qui viennent de Lyon, de Lugdunum, qui traversent la voie Agrippa, qui arrivent ici sur cette entrée nord, cet arc de triomphe, vont longer le fameux cardo, l'axe principal, et ce cardo allait buter sur la colline Sainte-Eutrope. Mmh. Ouais. Donc vous aviez une Quand entrée, sur le plan, c'est bien voilà, ça. Mmh. C'est une entrée majestueuse, monumentale, où alors bien sûr on ne pouvait être que bluffé par cette cité qui probablement devait être une cité très riche. Vu les vestiges romains, les différents vestiges que l'on a trouvés à l'intérieur de la cité, le fameux cardo romain, les maisons actuelles sont assises sur des restes. Donc dans le cœur historique, avec ses rues étroites. Tout à fait. Mmh. Et dans ces caves, vous avez des mosaïques, vous avez des colonnes, vous avez des fresques, ce qui nous fait penser effectivement que la population, ces notables, étaient des gens aisés, des gens qui avaient fait fortune. Et probablement cet arc a été créé par un notable très fortuné. Et ce qui nous donne aussi la preuve de cette richesse, c'est que lorsque vous arriviez par cette voie Agrippa, vous longiez les nécropoles, puisque vous savez que les nécropoles se trouvent à l'extérieur de la cité, hein, on ne mélange pas le monde des vivants et le monde des morts. On a retrouvé, lors des fouilles en 1995, des restes d'un énorme mausolée rond et carré au niveau du quartier de ce qu'on appelle le quartier de Fourchevieille. Et la qualité de ce que l'on a retrouvé nous font penser que le long de cette voie Agrippa, on trouvait des nécropoles, des tombeaux d'une grande richesse. On va parler de l'arc dans un instant, Rose, mais pour revenir au Théâtre Antique, oui. dans sa première vie, oui. Le Théâtre Antique, c'est jusqu'à la fin du IVe siècle, à peu près. Après, les Visigoths commencent à déferler dans notre région. Ils détruisent tout sur leur passage. Le théâtre va être incendié, pillé, les marbres abîmés. On réutilise bien sûr tout ce qui est objet de fer, de bronze, etc. Donc effectivement, on attaque une période de ruines. Mmh. Mais juste un peu avant, les spectacles qui étaient donnés... C'est ça, dans sa première vie, c'était quoi? C'est pas les Jeux du Cirque, puisque c'était aux arènes. Non, tout à fait, oui. Mmh. Nous, on est dans un théâtre, hein, il n'y avait pas de gladiateurs. Donc au fil du temps, les spectacles qui étaient donnés vont prendre un caractère violent. Alors au début, bien sûr, tragédie, comédie, mime, pantomime. C'est un endroit important, c'est là où la population locale va se réunir. On va apprendre à parler latin, on va s'imprégner de cette civilisation romaine. Le rôle du théâtre va au-delà du simple spectacle. C'est un lieu fédérateur, c'est là aussi où l'empereur va marquer ces populations autochtones en disant « Regardez, nous sommes des gens civilisés, venez avec nous, vous allez découvrir des choses merveilleuses avec nous, la paix, déjà la prospérité hein. ». On revoit cette prospérité, excusez-moi, j'y reviens, oui, mais on a des guirlandes, ces guirlandes de fleurs et de fruits autour sur de la, sur l'arc. Donc venez à nos spectacles, c'est une façon de les romaniser. S'ils sont romanisés, ils accepteront l'Empire, bien sûr. Ouais. Il faut accepter l'Empire. Ça passe par la culture. Bien sûr, tout à fait. Le problème, c'est qu'au fil du temps, comme l'on veut s'attirer la faveur de ces nouveaux citoyens, on va mettre en scène des spectacles vulgaires. Ou par exemple sur la scène, s'il y avait un personnage qui devait mourir, on tuait vraiment le personnage. D'accord. Les femmes étaient habillées de plus en plus dévêtues. C'était limite, lorsqu'il y avait une scène de viol, il y avait un vrai viol. Donc on était arrivé, peut-être pas chez nous en province, mais du moins en Rome. On était arrivé à quelque chose d'assez, on va dire, pervers. Et lorsque Constantin va décider que la religion chrétienne va devenir une religion d'État, les spectacles vont être interdits. Donc plus rien, les théâtres se taisent, tous les lieux de spectacle vont se taire. Et c'est vrai que c'est une période, en plus, après avec les invasions barbares, où ces théâtres vont servir de carrière de pierre, en fait, tout simplement. Ouais. Mais ce qui est incroyable, c'est qu'on a découvert les grandes salles en France, enfin les Zénith, il y a une quarantaine d'années, oui, peut-être, ou Bercy, enfin Accor Arena aujourd'hui. Mais à l'époque, c'était construit pour 9000 spectateurs. Tout à fait. Donc c'était les zéniths et les Bercy de l'époque. Bien sûr. Donc en fait, lorsqu'on regarde ce théâtre, comment se faisait cette acoustique? Alors déjà, vous aviez ces gradins en hémicycle. On sait que le son monte du sol, s'élève vers le ciel en formant une spirale. Donc déjà, naturellement, le son monte. Mm-hmm. Ce mur, c'est un mur double. C'est comme une guitare, en fait. Lorsqu'on passe la guitare, on a une caisse de résonance. Ce mur, c'est une caisse de résonance. En plus, ce n'est pas un mur qui est tout à fait lisse. Vous avez vu que ce mur rentre, ressort, etc. C'est pour éviter cet effet de l'écho. Donc, on a un son qui est assez pur. Donc, il y avait des acousticiens à l'époque. Tout à fait. Et puis, ce qu'il faut vous imaginer, c'est qu'à l'époque romaine, il y avait déjà un toit. Là, c'est un toit qui a été reconstruit. Mais il y avait déjà un toit. Et ce toit, on sait que le son monte. Et ce toit, en fait, vous avez renvoyé. Vu sa forme, renvoie vers les spectateurs. Mais c'est qu'ils ne sont pas si loin, même au plus haut, je me dis qu'on se sent quand même... Enfin, on a l'impression de tomber sur la scène. Oui, ils sont hauts, mais pas si loin. On est surtout très haut. Et c'est ce qui surprend les artistes. Hein. Lorsqu'ils montent sur scène, justement, ils ont l'impression que le public va leur tomber dessus. Mais en fait, c'est vrai, effectivement, vous avez raison, les spectateurs ne sont pas si loin. Oui, effectivement. Voilà. Après, on utilisait aussi, lorsqu'il y avait des masques, des spectacles avec des masques qui amplifiaient quand même le son. Les personnages étaient perchés sur de hautes chaussures pour qu'on les... Vous avez vu, cette scène est très grande, il faut l'occuper. Les personnages étaient sur avaient des chaussures qu'on appelle des cothurnes qui sont très hautes. Donc on a comme s'ils étaient sur des échasses. Ils sont vêtus de grandes tuniques qui flottent au vent, avec des grandes perruques, des grands masques avec des grandes perruques. Donc on a des personnages longilignes, très grands. Puis c'est vrai que les spectacles tels que ils étaient produits à cette époque-là utilisaient différentes techniques pour que les gens puissent entendre. Mais si on n'entendait pas, comme les pantomimes, parce que le pantomime, c'est un spectacle qui était muet, et c'était justement la qualité de l'artiste qui, grâce à son jeu, ses gestes, ses mouvements, arrivait à produire des sentiments, à raconter une histoire. Et là, c'est vrai, sans électricité, sans micro, mais juste avec le visuel, puisque le théâtre est fait de telle façon que tout le monde peut voir, on pouvait suivre. Il n'y a pas de mauvaise place, effectivement. Rose Papalia, notre guide à Orange, que nous retrouverons dans une prochaine émission pour évoquer plus longuement l'Arc de Triomphe. Restons au Théâtre Antique pour une brève rencontre avec le metteur en scène Daïda au programme des Corrigies 2017. Bonsoir. Bonsoir à tous. Merci. Merci d'avoir accepté notre invitation pour assister à cette générale d'Aïda, deuxième et ultime opéra de cette édition 2017 de notre Festival des Corrigies d'Orange. Ce spectacle sera mis en scène par l'excellent Paul-Émile Fourny. C'est pas la première, c'est la générale d'Aïda qui vient de se terminer. Paul-Émile Fourny, il est un peu plus de minuit et demi. Le Théâtre Antique d'Orange est en train de se vider. Ce sont les Orangeois qui sont venus assister à cette générale. C'est une générale, mais qui a quand même, enfin, je trouve, comme spectateur, des allures de première. Ben oui, dans un théâtre comme celui-ci, à la générale, il faut vraiment être effectivement prêt à 100% pour la première du 2 août. Donc, effectivement, cette générale a des allures de première. Le principe est plutôt de donner le confort à des artistes, en l'occurrence ici 200 personnes quand même, oui, sur le plateau, de pouvoir s'assurer que de A à Z tout fonctionne, tous les déplacements, toute la machinerie, etc. Donc effectivement, les interventions que je serai amené à faire seront faites de notes de correction dans quelques instants, quand j'irai voir les chanteurs et leur parler donc de cette dernière répétition. Alors effectivement, vous allez leur réserver la première de vos commentaires, mais Avez-vous beaucoup de choses à leur dire à l'issue de cette générale? Je vais d'abord beaucoup les remercier parce que en fait, c'est 10 jours de travail, donc c'est quand même un très très grand plateau et nous avons travaillé pendant 10 jours. Complet, avec une réelle complicité des artistes. Ils étaient très très présents. On a fait beaucoup de répétitions en studio. Et puis sur cette scène, et la journée, vous savez que ce n'est pas possible de travailler à cause du soleil, donc on travaille jusqu'à minuit tous les jours, sans parler des séances d'éclairage qui vont jusqu'à 4 heures du matin. Donc les artistes, en tous les cas, je les remercierai d'abord pour cela. Et puis, qu'est-ce que j'ai encore ? Ben, de quelques corrections à donner, mais enfin, dans l'ensemble, c'est surtout pour les conforter dans ce qu'ils ont produit ce soir. Mettre en scène Aïda dans ce théâtre antique d'Orange, c'est pour le coup être un petit peu quand même Cécile B2000 ? C'est un peu ça. Bon, je connais bien cette scène. Comme je l'ai dit, j'ai fait plusieurs productions ici. J'ai fait aussi 3 Zéniths, donc je connais bien un petit peu ce principe de fonctionnement. Mais il faut beaucoup de rigueur, ça c'est sûr. C'est très fatigant parce que c'est une rigueur. Ça doit être réglé comme du papier à musique, c'est le cas de le dire. Et tous les mouvements des artistes, des choristes ou des figurants, parce qu'il y a quand même plus de 50 figurants dans cette production aussi, doivent être réglés absolument. Bien sûr, ceux qui ne sont pas venus ne le savent pas forcément. Les chanteurs ne sont pas sonorisés. Hein. Ah non, absolument pas. Il y a des micros que vous pouvez voir dans ça, la fosse de l'orchestre. Captation. C'est pour la captation, puisqu'il y a une retransmission télévisée de cet ouvrage. Donc, les micros servent uniquement à la captation, mais dans ce théâtre, rien n'est sonorisé. C'est ce qui est merveilleux. Et c'est ce qui fait la force, d'ailleurs, première de ce grand théâtre romain. Si vous deviez dire, Paul-Émile Fournier, pour vous, où est la magie du théâtre antique ? Ben c'est le mur, il n'y a rien à faire, c'est ce mur. Ce mur que je n'ai absolument pas voulu camoufler. Il y a eu quelques essais faits dans des scénographies que j'ai pu voir ici. Et je crois que le secret de la réussite d'un spectacle, c'est pouvoir se marier avec le mur. Et comme quand j'ai été en Égypte, je me suis rendu compte que les Romains avaient également construit sur des ruines égyptiennes, je me suis dit que c'était ça qu'il fallait respecter. Et c'est le secret du son, c'est le mur. Et je pense que c'est le secret du son et de l'acoustique. Et il faut surtout pas y toucher. Qu'est-ce que vous allez faire ? Alors là, on est dimanche soir. Il est bientôt 1h du matin. Ben voilà, je vais aller retrouver les solistes. Et jusqu'à la première. Et jusqu'à la première, je vais profiter de ma piscine. Voilà ce que je vais faire. Vous allez bronzer alors. Oui. Merci. Merci beaucoup. Merci. Les impressions d'après général du metteur en scène d'Aïda, Paul-Émile Fournier, au corrigé 2017. À présent, dans ce Suivez le Guide à Orange, le centre-ville, pour rejoindre le domaine de la Palue, en périphérie proche, Céline Benex-Grangeon nous y attend, nous parlerons vin et plus précisément Châteauneuf du Pape. Suite à la promulgation de la loi Capu du 30 juillet 1935, qui permet la fondation d'un comité national des appellations d'origine des vins et des eaux de vie, ce sont les vignobles de l'appellation Arbois qui ont été les premiers à obtenir la classification AOC en France le 15 mai 1936, mais sont classés également à cette occasion Tavel, Cassis, Montbazillac et Châteauneuf du Pape. L'eau et le vin, je veux l'eau et le vin, la pierre et le raisin, je veux l'eau dans tes mains et le vin quand il convient. Céline, nous entendons les cigales, c'est pas une bande enregistrée, ce sont des vraies cigales. Oui, et puis, vrai de vrai. Et peut-être que pendant notre conversation, on entendra aussi des avions à réaction. Oui, voilà, c'est ça. Des vrais aussi. Des vrais aussi, oui. Conduits par de vrais pilotes de chasse. Parce qu'il y a une base qui est pas loin. Oui, il y a une base Carita qui se situe vers Camaret. Donc c'est à peu près à 5 minutes d'ici en voiture. Mm-hmm. Donc c'est vrai que bon, le mercredi ou même le lundi, on les entend un petit peu voler. Bon, c'est bien, ils s'entraînent, quoi. Oui, c'est ça. Vous vous sentez protégé. Voilà, c'est ça. Alors, on est en périphérie d'Orange, pas loin. Hein. Oui, voilà, c'est ça. On est au sud orangeois. Cette propriété, donc, du coup, date du temps des Templiers. Donc, c'est vrai que les Grangeons ont racheté cette propriété en 1830. Et donc, ça, c'est votre famille, depuis 1830. Voilà, c'est ça. depuis 1830. Et du coup, c'est vrai qu'ils ont passé leur vie à rénover cette bâtisse exceptionnelle. Et du coup, on s'est dit pourquoi pas la rendre encore plus exceptionnelle en faisant notre propre vin. C'est ça. Voilà. Donc le domaine de la Palue. Mais ces murs pourraient vraiment nous raconter, ont des histoires à raconter. Oui, bien sûr. On a eu un historien qui s'appelle Christian Damio, qui est archéologue. C'est lui qui nous a dit, grâce à tout son savoir, que ça datait du temps des Templiers et que c'était une vieille propriété qui d'ailleurs auparavant appartenait aux Petrucci, une grande famille italienne qui possédait 200 hectares autour d'Orange. C'était un peu ça, ces familles viticoles. Quelques siècles, c'était plutôt des familles d'une noblesse. Oui, voilà, c'est ça, c'est exactement ça. Donc du coup, ils possédaient 200 hectares, mais c'est vrai que c'était pas forcément que de la vigne. Il y avait aussi des sources, il y avait aussi des bois. Enfin, c'est vrai, c'était vraiment de l'autosuffisance, on va dire. Donc du coup, voilà, ils arrivaient à vivre très bien. Et aujourd'hui, vous en avez combien ? Donc aujourd'hui, on a une soixantaine d'hectares tout au pourtour de la propriété. Donc on a, en fait, on a 11 hectares de vignes et le reste, en fait, c'est céréales, blé, prairies. Et on a aussi une source encore actuellement qui nous sert beaucoup pour les fourrages, pour arroser les champs, les vignes. Enfin voilà, c'est vraiment quelque chose qui nous sert beaucoup. Donc on est un peu dans l'autosuffisance au niveau de l'eau aussi. On a cette chance-là. Mais c'est vrai que voilà, on essaie d'être diversifié. Ah, tiens, la bande des cigales s'est arrêtée. On va repartir. Faut retourner, lancer papier sur play. C'est ça. Donc c'est une grande propriété. Donc mon grand-père possédait avant des moutons, comme je vous disais tout à l'heure. Mm-hmm. Donc du coup, c'est vrai que voilà, c'était une propriété vraiment surtout très fermière. Mais il faisait du vin quand même. Mais voilà, il faisait du vin quand même. Au 19e siècle aussi. Oui, bien sûr. Pour un usage. Oui, pour un usage familial. Oui, c'est ça. C'est exactement ça. D'où ces cuves que malheureusement je peux pas vous montrer parce qu'elles sont bien enfouies dans le sol. D'où ces cuves qui sont carrelées à l'intérieur, qui datent quand même d'un siècle et demi. Donc du coup, on se dit que faudra un jour qu'on les montre aux clients. Quoi. Votre grand-père qui a vraiment relancé du coup. C'est Jean-Marie. C'est Jean-Marie Grandjean, qui est tout près derrière nous. C'est Jean-Marie. C'est ça, qui lit son journal. Voilà, donc lui, c'est lui qui a voulu vraiment monter cette propriété, vraiment l'orienter au niveau des céréales, des blés, mais aussi sur le secteur viticole. Il a toujours eu de la vigne, mais c'est vrai qu'à cette époque-là, comme il nous disait, c'était pas forcément nécessaire de mettre en bouteille. Donc on avait beaucoup plus. C'était pas de la vente. Enfin, il y a une partie de la vente qui est directe au consommateur, mais ça partait vers des coopératives. Oui, voilà, c'est ça. C'était une vente en vrac. Ouais, c'était un peu plus la mutualisation des choses. Tout le monde se rassemblait pour vraiment faire quelque chose ensemble. Et c'est vrai que là, depuis 10 ans, on voit qu'il y a de plus en plus de gens de la coopérative qui sortent pour créer leur cas particulière, la mondialisation, l'export. Donc voilà. Et puis les Côtes de Provence, peut-être moins réputées bien sûr, à l'époque. Hein, enfin, on parlait des vins du Midi d'une manière plus générale. Donc aujourd'hui, ils ont retrouvé leur lettre de noblesse. Oui, hein. c'est ça. Et puis votre maman ? Alors ma mère. Donc ma mère, elle a beaucoup. Marie-Laure. Oui, voilà, Marie-Laure Grandjean. Donc elle a beaucoup œuvré aussi pour ça. Donc c'est vrai que c'est elle, en fait, qui. Mon grand-père, elle a l'origine de cette idée, mais c'est elle vraiment qui a franchi le pas, qui s'est dit, allez, pourquoi pas. Et donc du coup, il y a 5-6 ans, on a récupéré nos vignes. Donc on a encore une petite partie en coopérative parce qu'on ne peut pas partir comme ça. Voilà, ça prend du temps. Mais c'est vrai qu'elle s'est dit pourquoi pas mettre en bouteille. Et du coup, on a sorti nos premières cuvées. Et donc on a un Châteauneuf 2013, un Côte-du-Rhône 2015 et un IGP Rosé 2016 actuellement. C'est canto qui canté, canto m'aspect. Canto per mia che salve di io a che los montagnos che t'annato son men patro de bere mas amor un son. J'allais vous poser la question, Céline, le vin star finalement chez vous, mais il y en a peut-être deux, puisqu'il y a à la fois l'image des vins de Provence, les Côtes de Provence sont les rosés. Oui, bien sûr. Quand on pense Côtes de Provence, on pense rosé, et bien vous avez une production de rosé. Oui. Et puis on est aussi au cœur de ce terroir de Châteauneuf-du-Pape. Bien c'est sûr. À 10 km Châteauneuf-du-Pape, oui, on est tout à près. Peu près. Ouais, c'est exactement ça. Donc nous, on a actuellement 3 hectares en Châteauneuf-du-Pape, ce qui est assez correct. Et en fait, donc, c'est situé sur le secteur des Galimard et des Coulées. Donc voilà, c'est juste derrière le château de Châteauneuf-du-Pape. Donc c'est vrai que voilà, on a cette chance-là d'avoir du Châteauneuf-du-Pape aujourd'hui. Nous, on produit des bouteilles. On fait vraiment de la qualité. On veut pas faire du volume. Notre objectif, c'est vraiment de produire des bouteilles. On veut produire qu'en bouteille, pas en vrac. Mais c'est vrai qu'on essaie de limiter la quantité. Pour faire de la qualité. Mmh. Bah, voilà. C'est facile à identifier la bouteille de Châteauneuf-du-Pape parce que il y a la tire papale sur la bouteille, c'est ça. Ouais, c'est pas le cas de tous les vins. Oui, c'est, non, c'est vrai. Dans la bouteille. Oui, enfin, c'est marqué dans la c'est bouteille. Vrai. C'est vrai. Ça, c'est vraiment une caractéristique qui fait que Châteauneuf-du-Pape est vraiment différente des autres AOC. C'est vrai, voilà, qu'il y a cette tire papale qui est marquée sur la bouteille. Et puis aussi, voilà, ce passage en fût de chêne qui est assez courant à Châteauneuf-du-Pape, le fait qu'il y ait 13 cépages. Alors, oui. Voilà, on connaît les 12 desserts, c'est ici, oui, voilà, ça, au ici, moment de Noël, 12 desserts, 13 cépages. Oui, c'est vrai. C'est rare, enfin, un assemblage de 13 cépages. C'est vrai que c'est la seule AOC de France qui contient 13 cépages. Voilà. Donc c'est vrai qu'il y a même des vins à Châteauneuf-du-Pape où il y a certains châteaux nouveaux qui font une bouteille avec 13 cépages à l'intérieur. Ah, il n'y a pas toujours 13 cépages? Non. En fait, si vous voulez, sur les 13 cépages, vous pouvez assembler. Ah, donc, oui, voilà. Nous, par exemple, notre Châteauneuf-du-Pape, on a du Grenache, du Syrah, du Mourvèdre, du Cinsault, de la Counoise. Voilà. Donc ça en fait 5. 5. Voilà. Il y en a certains qui en mettent 6, il y en a certains qui en mettent que 2. Voilà, c'est chacun. Ah, on n'est pas obligé. Non, voilà. En fait, c'est juste que c'est dans ces 13 cépages-là, c'est ceux-là, c'est uniquement ceux-là qui peuvent être réutilisés dans le Châteauneuf-du-Pape. C'est toujours le cépage Grenache qui c'est est majoritaire. Ouais, c'est généralement le Grenache qui est majoritaire. Parce que vraiment, il va apporter tout ce qui est alcooleux. Et le Syrah aussi. La Syrah est très utilisée. C'est vrai que ça va utiliser un peu plus le côté tannique du vin, la couleur. Trois voilà. quarts, hein, voilà. Grenache. Oui, voilà, c'est ça. C'est à peu près ça. Nous, on fait une majorité de Grenache. On fait à peu près 60% de Grenache, 25% Syrah. Et après, on rajoute un petit peu de Counoise. Donc ça, c'est vous qui décidez. Voilà, c'est vous qui choisissez. C'est ça. Donc avec l'œnologue, bien sûr, on lui dit ce qu'on aimerait bien comme vin. Enfin, nous, on aime beaucoup les vins féminins, d'où le domaine. J'allais féminin. Vous en parler. Voilà, parce que ça. Marie-Laure et Céline, ouais, donc mère ça. Et fille, donc, on parle, hein, c'est vrai qu'il y a d'abord de plus en plus de vigneronnes, de viticultrices, oui, en France, c'est une profession qui s'est beaucoup féminisée. C'est vrai. Et du coup, on parle de vin féminin. Oui, c'est vrai. Nous, on aime vraiment les vins sur le fruit. C'est quoi pour vous un vin féminin? Alors, un vin féminin, pour moi, c'est vraiment. Un vin de charme. Quelque chose qui va vraiment se boire facilement, qui sera vraiment assez rond en bouche. Sans forcément ce côté très tannique, très masculin. Nous, vraiment, on aime vraiment les vins qui restent un peu tanniques, bien sûr, parce que les vins sont tanniques, mais c'est vrai qu'ils sont quand même très faciles à boire. Voilà. Nous, donc on aime les vins faciles à boire. Ils ont quand même des degrés assez élevés, ils ont du caractère, mais c'est vrai qu'en termes de bouche, en termes de nez, tout ça, on a quelque chose de très. C'est très subtil. Ouais. Donc c'est peut-être un vin de séduction, finalement, oui, parce qu'il va pense. Séduire ouais, tout de suite. C'est vrai que nous, on a eu de très très bons retours pour le Côte du Rhône et Châteauneuf-du-Pape, parce que c'est uniquement nos deux vins rouges. Et c'est vrai que les femmes et même les hommes adorent ce vin, parce que c'est vrai qu'ils disent, pour une fois, on boit quelque chose de facile à boire. Même le Côte du Rhône, ils trouvent ça inouï. Ils le comparent au Pinot Noir en Bourgogne. Donc du coup, on se dit, voilà, on arrive quand même aujourd'hui, même avec des cépages un peu différents, à faire un vin quand même assez rond, assez souple, assez élégant, voilà. C'est vraiment notre caractéristique et notre image de marque du domaine de la Palue. Partie de l'échansonnerie des papes, enfin, c'est une confrérie. Alors voilà, nous, enfin moi pour ma part, je fais partie donc des jeunes agriculteurs, donc ça on appelle ça les JA à Châteauneuf-du-Pape. Donc c'est en fait c'est une sorte de syndicat des jeunes vignerons qui rassemble beaucoup de vignerons de Châteauneuf-du-Pape. Mmh. Et c'est vrai que grâce à ça... Donc, les jeunes, juste une question, sont en général les enfants... des générations. Oui, c'est ça, de Châteauneuf, c'est ça. Et donc, du coup, c'est vrai qu'on organise beaucoup d'événements. Et alors, ça, c'est pour les jeunes. Ouais. Et les plus vieux, alors? Les plus vieux, voilà. Les confréries plus traditionnelles. Oui, voilà, c'est ça. Ma mère, je sais qu'elle participe beaucoup aux réunions. Donc ça, c'est vraiment des réunions tournées autour de la protection de l'AOC, complètement. Première AOC, ouais, c'est ça, première AOC historique, hein. C'est exactement ça. Donc du coup voilà, il participe 1923. Vraiment à garder cette AOC aussi rayonnante qu'elle est aujourd'hui, parce qu'elle est connue mondialement. Châteauneuf-du-Pape est quand même connue mondialement. C'est vrai que c'est grâce à ça qu'on a des clients, qu'on se dit que voilà, et que les gens, c'est connu mondialement, et on voit vraiment que ça plaît beaucoup, quoi. Combien de viticulteurs, de vignerons pour Châteauneuf-du-Pape, les vins, donc Je pense qu'il y en a au moins une centaine, même si c'est pas plus. Voilà, il y a beaucoup de viticulteurs. Il y en a beaucoup qui ont peut-être un hectare ou deux hectares, ou il y en a beaucoup qui ont voilà encore plus, 30 hectares, 60 hectares. Enfin voilà, c'est vraiment, s'il y a les petits, les moyens, les gros. Puis moi, c'est là que je trouve que c'est beau, la viticulture, parce qu'il y a vraiment beaucoup d'entraide, beaucoup de solidarité. Et c'est pour ça qu'on aime beaucoup ce métier-là, parce que même si on a beau produire pas forcément les mêmes vins et être un petit peu en concurrence avec eux, il y a quand même beaucoup d'entraide et de solidarité. Moi, je l'ai vu par mes formations, par les gens que je côtoie aujourd'hui, qui sont vraiment devenus des amis, quoi. Alors, vous êtes très jeune, Céline, mais vous aviez envie depuis l'enfance de... En fait, moi, à la base, j'étais partie pour faire du commerce international. J'avais fait des études là-dedans. Bon, et ça, c'est utile, hein. Ouais, voilà, c'est pour ça. Donc, je me suis dit... Et c'est vrai que quand ma mère, elle m'a dit, on va essayer de lancer ce projet-là, je me suis dit, pourquoi pas? Pourquoi pas tenter l'expérience? Autant le faire en famille, et autant me dire que plus tard, moi, dans tous les cas, j'aurais récupéré cette propriété avec mon frère, et qu'il fallait quand même qu'on la fasse vivre pour les générations futures, pour nos enfants, nos petits-enfants. Voilà, c'est de génération en génération. Continuer. Voilà, c'est ça. L'eau et le vin, je veux l'eau et le vin. La mer qui me revient, je veux l'eau des marins. Au chagrin et les vins d'en rajouter. Trop de tanin me fait sombrer. En eau douce, en zone sinistrée. Il est vain d'en rajouter. Il est vain d'en rajouter. L'eau et le vin, je veux l'eau et le vin. La terre et le venin, je veux l'eau des matins. Aussi beau que le pain, le vin qui me parle et l'eau qui ne dit rien. Poisson dans l'un, poison dans l'autre, l'eau et le vin. Nous allons terminer ce Suivez le Guide à Orange, au domaine de la Palue, en compagnie de Céline Benex-Grandjean, dernière gorgée de soleil au sud d'Orange, et nous pouvons même, avec modération, passer au rouge. La propriété est magnifique, hein. Oui. Et là, on bavarde sous le platane qui a 150 ans. 150 ans, ouais. Ah, c'est un peu depuis le début de l'arrivée de la famille qui a planté le platane. C'est exactement ça. Donc, on est bien à l'ombre du platane, ouais, c'est parfait pour déguster des vins ici. C'est vrai. Mais il faut bien dire, Céline, que le gros de la clientèle ne vient pas s'asseoir ici. Donc, c'est vrai que nous, notre plus grosse vente, c'est vraiment, donc on est en CHR, donc on est sur Carrefour. Ça veut dire quoi Carrefour. C'est pas un donc centre CHR. Oui, CHR. C'est pas un centre hospitalier, non, c'est pas ça. Hein. C'est cave, hôtel, restaurant, ah, CHR. Voilà. Mmh. Donc nous, voilà, on fait à peu près 60% en CHR aujourd'hui, et le reste en export, et on a à peu près 10% de vente directe au caveau. Donc c'est à peu près ce que les gens font aujourd'hui, hein, les viticulteurs. C'est vrai que, comme je vous disais tout à l'heure, avec l'arrivée de la mondialisation et l'export, et le fait qu'il y ait de plus en plus de gens qui sont intéressés par la vigne et qui commencent à planter chez eux, on est obligé de s'allier à la tendance et de suivre la tendance. Quoi. Donc voilà, mais c'est vrai quel que... Quel est le premier pays alors? Vous parliez d'export. L'Italie. Qui achète le domaine de la Palue. La Chine. À la Chine. Les Chinois sont très très intéressés. Donc on a reçu plusieurs délégations ici récemment. Donc des délégations de Shanghai, de Zhejiang, enfin voilà, pas mal de villes en fait chinoises qui sont en train de se développer aussi. Et du coup, ils sont très très intéressés. Ils viennent, ils nous achètent du vin et après ils en recommandent derrière. Donc c'est vrai que ça nous fait beaucoup de volume. Et c'est vrai que pour l'instant, ça marche bien. Donc on est content pour ça. Mmh. Plutôt rouge ou plutôt rosé? Alors, plutôt sachant rouge. Que alors, eux, par contre, c'est que du Château-Neuf-du-Pape qui veulent. Ah, oui. Donc c'est pour ça que c'est encore plus intéressant pour nous. Parce que c'est vrai que le Château-Neuf-du-Pape, c'est quand même une vente. Enfin, c'est un vin un peu plus cher que les autres. Même si le vôtre est abordable. Voilà, c'est ça. Mmh. Mais eux, ils adorent ce vin-là. Ce vin, voilà, parce que c'est du vin, un vin beaucoup plus fort en bouche quand même. On ressent vraiment en bouche qu'il a un peu plus, il a un peu plus de caractéristiques. Et c'est vrai qu'ils adorent ce vin-là. C'est des gros, gros buveurs, gros consommateurs de Château-Neuf-du-Pape. Donc c'est bien qu'on vende là-bas directement. Mais c'est sûr qu'on veut quand même limiter aussi. On ne veut pas forcément tout vendre là-bas. On essaie de commencer à vendre peut-être aux États-Unis. Voilà, on est en train de voir pour vendre ailleurs. Donc vous allez faire rayonner le domaine de la voilà, palue. Voilà, c'est ça. Continuer à développer. Moi, mon objectif, c'est vraiment de faire rayonner le domaine de la palue mondialement. Après, bon, c'est sûr, ça prendra des générations. Peut-être que ce n'est pas moi qui le verrai. Peut-être mes petits-enfants ou mes enfants. Vous avez encore quand même quelques années. Oui, c'est sûr. Mais c'est vrai que voilà, c'est toujours... quand on lance un nouveau projet, ça met toujours du temps. Mais bon, on a de la passion, on a de l'envie. Donc du coup, pour nous, c'est... Et vous m'avez dit pourquoi Domaine de la Palue ? Alors, Domaine de la Palue, en fait, ça s'appelle... depuis que les Grangeons ont racheté en 1830, ça s'appelait déjà le Domaine de la Palue. Donc du coup, on s'est dit pourquoi pas reprendre ce nom-là. Donc c'est vrai que la Palue, dans certaines régions, c'est un peu plus les côtés marécageux. Et nous, en fait, ici, c'est plus le côté avec beaucoup de ressources, beaucoup de richesses de sol. Donc c'est vrai que voilà, c'est ça qui caractérise aujourd'hui le Domaine de la Palue, beaucoup de richesses de sol. On a vraiment, voilà, on a cette source, comme je vous disais tout à l'heure, on a les bois, on a les prairies, voilà, on est vraiment très diversifié et je trouve que nos vignes le rendent bien, quoi. Et les cèpes, enfin, sont des vieux cèpes ou des cèpes que vous alors avez plantés? Alors, on a planté, il y a 3 ans, on a planté donc un plantier qui se situe au pourtour de la propriété. Et donc du coup, on a fait des nouveaux assemblages. Donc on a mis du Viognier, on a mis de la Roussanne, on a mis voilà pas mal de cépages parce qu'on veut faire du blanc cette année. Donc du coup, on essaie un petit peu d'allier le vignoble sur le blanc. Là, on a planté aussi un nouveau plantier de 1,5 hectare juste derrière la propriété. Pareil. Donc là, par contre, il y aura un peu plus du Grenache, de la Syrah. Enfin voilà, c'est un peu plus ça qu'on recherche pour plus du rouge. Et puis après, on a d'autres hectares qui datent depuis 35 ans. Et c'est vrai que cela, c'est vraiment pour faire un peu plus notre Côte du Rhône qui demande un peu plus de typicité. Come here, my love, right beside me. How I yearn for you to be. Endlessly burning near. Il va y avoir des dîners sympathiques ici quand même. Oui, mais mon grand-père avant était un chasseur. Ah, ça, donc, Château-Neuf-du-Pape, ça va bien, ouais, avec voilà, le gibier. C'est vrai qu'ici, il faisait pas mal de grandes soirées de chasseurs. Donc il y avait la salle des chasseurs qui est dans la propriété, là, dans l'aile gauche. Et c'est vrai que voilà, on faisait des méchouis, enfin, voilà, c'était très convivial. On a toujours reçu beaucoup de monde. Et mon grand-père d'ailleurs est connu, est bien connu dans Orange grâce à ça. Jean-Marie. Ouais, voilà, Jean-Marie Grandjean est bien connu pour ça, pour ses grandes fêtes qu'il organisait. Voilà, c'était... Arrosé de Château-Neuf-du-Pape. Voilà, c'est ça. Toujours Château-Neuf-du-Pape. Nous avons parlé des 13 cépages, jusqu'à 13 cépages, c'est tout à fait particulier et typique des Château-Neuf-du-Pape. Mais le sol aussi, Céline. Oui, c'est ça. Donc nous, on a un sol, donc nos parcelles sont situées sur un sol de galets roulés. Donc en fait, c'est des sortes de petits... Donc de galets oui, roulés. De galets roulés, ouais, c'est ça. Donc c'est des cailloux en fait de plus ou moins grande taille. Voilà, et en fait, ça va avoir beaucoup d'intérêt pour nous, dans le sens où la journée, ça va capter la chaleur. Et le soir, c'est vrai que les vignes vont avoir un peu plus de chaleur pour aider donc les grappes et même la cèpe de vigne à nous faire de très belles grappes, très sucrées, très voilà. Donc c'est pas sous les pavés la plage, mais c'est sous les galets la terre. Voilà, c'est ça, c'est exactement ça. Donc c'est vrai que c'est typique du Château-Neuf-du-Pape. Des galets comme sur des plages ailleurs. Oui, mais après c'est des galets vraiment qui servent la vigne aujourd'hui quoi. Mais qui apporte quoi au terrain, ça va, enfin, à la terre et... Ben ça va vraiment apporter voilà sur les vignes cette chaleur comme je vous dis qui est emmagasinée la journée et qui après ces galets roulés vont garder beaucoup plus de chaleur le soir aussi parce que c'est vrai que la vigne a besoin de chaleur avec la lumière, elle a besoin de de d'eau, elle a besoin, voilà, elle a besoin de pas mal de choses que même d'autres plantes ont besoin. C'est vrai que quand on va à Châtenay du Pape, on voit ça, on voit c'est des vignes entières avec des galets roulés, et c'est vrai que des touristes aujourd'hui achètent des galets roulés. Les galets. Ouais, voilà, c'est ça. Donc c'est pour vrai pas que... les piquer dans les vignes, non. Ah bah après, il y en a beaucoup qui le font quand même, mais bon oui, après c'est sûr. Mais il y en a tellement que de toute façon, si tout le monde en piquait, je pense pas que ça les enlèverait tous. Quoi. Mais non, c'est vraiment, c'est typique de Châteauneuf, les galets roulés. On n'a pas dit, mais Châteauneuf du Pape, parce qu'il y a un pape qui a commencé tout ça. Oui, voilà, c'est ça. Enfin, on est au pays des papes, oui, bien sûr. Sûr, bien pape sûr. D'Avignon, bien oui. sûr, mmh. C'est exactement ça. Et c'était le pape Et c'était le pape Jean XXII. Donc Châteauneuf du Pape Jean XXII, mais c'était dans les années 1300, c'était bien avant le pape Jean XXIII du XXe siècle. C'est avec Céline Benex-Grandjean que se termine au domaine de la Palue, ce premier Suivez le Guide à Orange. Merci Céline. Réalisation Romane Feocchio. Grand merci aussi Rose Papalia, notre guide conférencier, et Paul-Émile Fourny, metteur en scène d'Aïda au Corégie 2017. Merci Guillaume Offan, relations presse à l'Office du Tourisme d'Orange. Les sites internet pour obtenir toutes les infos utiles, orange-tourisme.fr, corégie.fr, et retrouvez le domaine de la Palue sur sa page Facebook. Suivez le guide à Orange, réalisé pour RCF Jéricho-Moselle.